Jugement religieux. Al-Ahkam. Le singulier du mot Ahkam est Hukm. Ce terme signifie statut, règle. Chaque action en islam entre dans l'une des cinq catégories suivantes. Premièrement, obligatoire, wajib. Les actions de cette catégorie sont obligatoires pour tout musulman. Il en sera récompensé s'il les accomplit et en sera puni s'il les néglige. Le jeûne du mois de Ramadan est un exemple d'acte obligatoire. Deuxièmement, interdit, haram. Les actions de cette catégorie sont interdites. Cela inclut des actes comme le vol ou le mensonge. Quiconque les commet peut être puni à cause de cela. Troisièmement, recommandé, mustahab. Les actions de cette catégorie sont recommandées, comme prier deux unités facultatives après la prière du Maghreb. Ceux qui accomplissent ces actions seront récompensés et ceux qui les délaissent ne seront pas punis. Quatrièmement, détestable, makruh. Les actions de cette catégorie sont détestables, comme dormir sur le ventre, à l'opposé de ce qui est recommandé. Éviter les actes makruh est compté comme une bonne action et les accomplir n'est pas compté comme une mauvaise action. Cinquièmement, autorisé, mubah. Les actions de cette catégorie sont permises en islam mais n'ont pas de signification religieuse, comme manger du poisson avec des frites ou de l'agneau au curry. Nous avons le choix de le faire ou non. Cependant, l'intention de la personne peut transformer cet acte permis en acte obligatoire, recommandé, détestable ou interdit. D'autres choses peuvent aussi changer le statut de mubah. Par exemple, toute chose permise devient interdite s'il est prouvé qu'elle est nuisible. De même, chaque action nécessaire à l'accomplissement d'une obligation devient elle-même obligatoire. Ces jugements qui sont des obligations, appelés aussi fard, sont de deux types. Premièrement, une obligation individuelle, fard e ayn, correspondant à toute tâche imposée à chaque musulman responsable, mukallaf, pubère, balir, et doué de raison, aqil. Par exemple, l'accomplissement des cinq prières quotidiennes et le jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement, une obligation communautaire, fard kifaya. Si elle est accomplie par une partie de la communauté, les autres en sont dispensés et leur responsabilité est dégagée. Mais si elle n'est accomplie par personne, alors l'ensemble de la communauté est fautif. Exemple, l'apprentissage des diverses branches de la science islamique et des industries utiles.